In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Depuis le premier épisode de la Beatsbox, Creepers et moi, on en parle. Ça y est, c'est aujourd'hui. On enregistre cet épisode spécial Silent Hill, saga dont nous sommes très très fans, n'est-ce pas Creepers ? Absolument, au point même que nous avons préparé l'émission c'est vrai. De fond en comble. Et on n'est pas peu fiers parce qu'on a fait une sélection vraiment, je pense, qui représente parfaitement la saga Silent Hill. Donc accrochez-vous à vos slibards parce qu'on va flipper un petit peu ensemble. Et c'est parti. En 1996, Resident Evil débarque sur la PlayStation, imposant le genre survival horror et confirmant le statut de console adulte pour la console de Sony. Après ça, beaucoup de survival sont sortis, plus ou moins marquants. Et en 1999, il y a eu Silent Hill. Silent Hill, c'est la descente aux enfers de Harry, qui va tout faire pour retrouver sa fille Cheryl, qui a disparu après un accident de voiture aux abords de la ville. Silent Hill, c'est se confronter à ses cauchemars, à ses peurs, et à soi-même. Silent Hill va absorber Harry et le joueur qui découvriront un monde cauchemardesque, déstabilisant, car jamais vu auparavant. Tout commence après un accident de voiture aux abords de Silent Hill. Lorsqu'Harry veut retrouver sa fille, il suit une ombre dans le brouillard. Il passe alors dans des ruelles de plus en plus étroites. Il arrive dans un cul-de-sac face à un cadavre avant de se faire attaquer par ce qui semble être des enfants. À son réveil dans un diner, il fait la rencontre de Sybil Bennett, coincée elle aussi dans cette ville fantôme. Sybil accepte de l'aider à retrouver Cheryl, lui confie une arme, mais alors qu'il allait se rendre vers l'école, une sirène retentit, plongeant la ville dans l'obscurité, la rouille et la mort. Pour commencer cette émission, on ne pouvait pas faire autrement, nous démarrons donc avec le premier épisode de la saga, le premier Silent Hill, qui a été dirigé par Keiichiro Toyama, mais j'ai envie de dire, c'est peut-être pas un seul nom qu'il faut retenir pour cette série de jeux, mais plutôt le résultat de nombreuses influences, surtout quand on sait comment le jeu a été fabriqué, puisque c'est un titre qui a été un petit peu développé dans la confusion. De l'aveu même de Yamaoka, les gens ne savaient pas trop où ils allaient avec ce Silent Hill. L'équipe était réunie pour faire un jeu pour un petit budget. C'est pas un gros budget pour Konami, le premier Silent Hill. Et ils savaient pas exactement ce qu'ils allaient faire. Si ce n'est que, à force de lancer des idées, à force de mettre les choses en place, eh bien, un petit peu dans le dos de Konami, ils sont arrivés à cet objet. Silent Hill, c'est peut-être parce que c'était un petit budget qu'on les a un peu laissés tranquilles, je sais pas, mais en tout cas, le résultat est arrivé complètement autre, quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Alors Creepers en a un petit peu parlé, c'était l'époque de Resident Evil pour ce qui est des survival, mais là Silent Hill apportait quelque chose de nouveau avec ce mélange de caméra libre en 3D, mais aussi avec ces passages en caméra imposée qui sont vraiment la marque d'un point de vue d'un auteur. Et rien que ça changeait un petit peu la donne. Et le rattacher à Resident Evil, c'est probablement la plus grosse erreur qu'on peut faire, puisque finalement le point de vue est hyper différent. Resident Evil, c'est, je dirais, le film d'horreur un peu bourrin, quoi. Hein, un peu. C'est ça. Hein. Ouais. Là où Silent Hill mise à fond sur une ambiance, sur un malaise qui est exprimé à travers l'écran. Et ça, c'était réellement nouveau. Alors, je sais pas, tu vas peut-être me dire, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il n'y a pas un seul jumpscare dans le premier Silent Hill. Alors, il y en a qui sont assez légers. En fait, il y en a un, moi, qui m'avait marqué, c'est avec un chat, le fameux chat. Alors, je crois que c'est dans le premier, parce que des fois, je mélange un petit peu ce que je me rappelle de la saga, mais il y a un moment où on a Harry qui rentre dans une pièce, et il entend un bruit, et là, il se passe plus rien. Et c'est au moment où tu vas commencer à faire autre chose, que t'as un chat qui va sortir d'un seul coup d'un... Je crois que c'est un casier d'école. Et c'est assez surprenant, moi j'avais bien flippé. Et ce qui est intéressant avec la comparaison aussi avec Resident Evil, c'est que là on n'a pas d'explication. C'est-à-dire qu'on commence un petit peu à savoir ce qui se passe forcément, parce qu'il y a l'histoire qui s'installe dans le jeu. Mais on n'a pas de véritable explication sur ce qui arrive d'un seul coup. Parce que là on arrive dans une ville, il y a des changements d'univers, on sait jamais vraiment pourquoi, comment ça se passe, pourquoi ça se passe, comment ça arrive. Et Resident Evil est plus dans, bah, on est dans du zombie, on est vraiment dans la série B, quoi, la série ouais, B classique, voire même Z hein, au niveau de l'histoire. Et c'était une des premières fois, moi, où qui n'avais pas l'habitude de faire du RPG japonais ou des choses comme ça, où j'avais, dans un jeu d'horreur, en plus moi qui étais fan de Resident Evil, d'avoir en plus des véritables personnages et une véritable progression dans le malaise. Oui. Il y a un vrai crescendo dans Silent Hill. Bah, en fait, on va vite voir quelque chose qui va être une marque de fabrique de la série, une des marques de fabrique. Hein. On va pas se cacher, hein, le gameplay de Silent Hill, c'est un petit peu raide. C'est quand même aussi très guidé. Hein. Tu vas de telle porte en te référant à un plan. Mais comme tu le soulignes très bien, par contre, c'est un jeu qui est assez avare pour révéler les clés de son histoire. Et ça fait du bien, quelque part, d'avoir une œuvre comme ça qui ne prend pas le joueur pour, j'allais dire, pour un neuneu, quoi. Ouais, puis ça permet de s'investir aussi. Bah, t'investis beaucoup fait, plus dans l'histoire et dans l'univers, parce que du coup, tu te poses des questions, le moindre petit truc que tu vas trouver, bah, tu vas vraiment le regarder, l'analyser même, et je me rappelle, moi, au niveau des énigmes, moi, je l'ai trouvé plutôt intéressante et bien fichue, parce que c'est un des rares jeux où vraiment j'avais une feuille et un crayon à côté de moi, et où, notamment, il y avait l'énigme du piano, je crois de mémoire, qui était assez ardue, et j'avais vraiment bossé sur cette énigme pendant un petit moment, parce que ça m'a fait un petit peu bloqué. Mais l'utilisation, justement, la lourdeur du personnage rappelle bah, le côté quotidien c'est du vrai. Perso. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se battre, c'est un père de famille qui se retrouve coincé et qui essaie de retrouver sa fille par tous les moyens possibles et qui se retrouve confronté aux plus horribles visions qu'on pourrait imaginer. Et c'est vrai que le côté pato, alors c'est vrai que c'est ce qui avait été un petit peu critiqué, forcément, parce qu'on n'a pas l'habitude. Généralement, on joue des soldats, des mecs super entraînés, ou même si c'est un mec normal, au final, tu vas jouer un mec super balèze, quoi. Alors que là, tu es tout le temps sous l'emprise des ennemis qui étaient quand même en plus hyper agressifs, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis alors, bon, y a quelques autres éléments. Alors, on est très long sur le premier, on le sera pas forcément sur chaque intervention, mais là, on pose un peu les bases quand même. Il y a plusieurs choses sur lesquelles il faut s'arrêter un petit peu. Toi, tu dis que tu as eu des problèmes avec des énigmes. Moi, je me perdais, tu vois. Notamment à cause du brouillard, hein, qui est dans Silent Hill, on n'y voit pas grand-chose. Alors, d'un côté, ça donne des graphismes. Si on voit juste une capture d'écran, on pourrait presque dire, bah, c'est un peu moche, quoi. Ah bah c'était moche. C'était même assez moche. Et c'est justement à cause de ces limitations techniques qu'ils ont eu l'idée du brouillard, justement. Ouais. Et c'est souvent avec des contraintes techniques qu'on fait des fois les grands jeux. Et qu'on arrive à poser des ambiances assez stupéfiantes, parce qu'il y a un autre aspect qui est purement technique, mais qui a créé aussi une marque de fabrique dans Silent Hill, c'est le rythme des dialogues, ouais. Qui était très contraint finalement bah, par la vitesse de lecture du CD. c'est aussi bête que ça, mais quand on joue à Silent Hill, il y a souvent un délai qui est très long entre deux tirades, quand les gens parlent entre eux. Ça donne un dialogue qui n'existerait pas, en avis. Un peu flotté, hein, qui flotte comme ça. C'est ça, exactement. Et si on ajoute le brouillard à ça, tout ça donne cette espèce d'ambiance complètement éthérée, hors du monde. Même indépendamment des monstres, hein, ou des choses bizarres, il y a cet aspect, cette ambiance qui est unique, encore une fois, et qui fait la caractéristique de Silent Hill. Et puis l'apport de la radio aussi, justement, les grésillements qui interviennent pour nous faire peur aussi, ça te fout une pression supplémentaire. Moi, juste pour finir sur Silent Hill 1, puisque dès le début du jeu, t'es vraiment pris dedans et ça fait preuve d'une vraie maestra dans la mise en scène, c'est justement l'arrivée dans les ruelles que je décrivais tout à l'heure, c'est la première apparition des monstres. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la version, au tout début, on avait vu des photos, on voyait vraiment des enfants, c'était vraiment des enfants. Tout à fait. C'était vraiment des petits gamins. Et après, ça a été changé par des petits monstres griffus, qui cassent un petit peu l'impact, mais bon, ça c'est pas grave. Mais vraiment, l'arrivée de Harry dans la ruelle, et au fur et à mesure, la caméra commence à partir un peu dans tous les sens. Et c'est vu de haut, elle tourne voilà, sur elle-même, en suivant le personnage. Plan repris dans le film, d'ailleurs, de Christophe Gans. Et on a il fait de plus en plus noir, c'est de plus en plus gore, on commence à croiser des trucs un petit peu bizarres, du sang. Et là, on se retrouve attaqué, et c'est là où on commence à comprendre que ça va mal se passer pour nous, au fur et à mesure du jeu. Alors, pour avancer un petit peu, c'est aussi le premier moment, le premier contact dans le jeu qu'on a avec cette musique, j'allais dire déstructurée tout en étant structurée, dont on va beaucoup parler pendant ce podcast, et donc j'en profite pour lancer le deuxième morceau de cette émission. On vient d'écouter le morceau I'll Kill You, donc forcément composé par Akira Yamaoka. Donc Akira Yamaoka, moi c'était un compositeur forcément que je ne connaissais pas à l'époque, parce que même si j'adorais la musique de jeux vidéo, je faisais pas forcément attention à qui composait les musiques de jeux vidéo. Et il faut savoir qu'il avait fait deux OST avant de faire Silent Hill, donc c'était quelqu'un qui venait vraiment de débuter, on va dire, dans le métier de compositeur de jeux vidéo. C'était des musiques sur des jeux 16 bits, donc il y avait le jeu Smart Ball et Sparkster, donc voilà, j'ai pas joué à ces jeux-là, mais donc il a commencé à faire ses armes sur ces deux titres-là. Et le choc Silent Hill, donc, et je pense vraiment que si, alors comme dans beaucoup de jeux, hein, vous allez me dire, mais si on retire la musique d'Akira Yamaoka, je pense vraiment... On a autre chose. Ouais, c'est, on aurait mis une OST classique, symphonique, ou voilà, assez, qu'on pouvait entendre vraiment à l'époque, avec plus des bruitages d'ambiance comme dans les Resident Evil, je pense pas que ça aurait fonctionné, je pense vraiment qu'on va dire la lourdeur du jeu aurait pesé sur le gameplay, je pense que vraiment que ça aurait été un petit peu chiant. Même carrément le dire, et ce qu'apporte la musique de Yamaoka, où on est vraiment dans le mélange, surtout dans le premier, il y a un côté très industriel, c'est ouais, voilà, très très sale, ça clinque un peu dans tous les sens, et justement la première scène qu'on décrivait, on a cette espèce de montée avec des qui reprend même des mouvements, on a l'impression d'avoir une rotation dans la musique, ça se répète, au point justement que le personnage se sent un petit peu acculé, et je pense que c'est un peu pour ça aussi qu'il tombe dans les pommes, il s'évanouit complètement après les agressions, et c'est une musique qui t'agresse, et qui te met vraiment vraiment mal à l'aise. Je me demande, tu vas me dire si c'est une ânerie ou pas, hein, si ce n'est pas grâce au fait que Silent Hill était finalement un petit jeu au départ, qu'on a pu avoir une musique pareille débarquer. Parce que je veux dire... c'est particulièrement frappant dans le premier album du premier jeu, c'est quand même très expérimental, ouais. Et c'est même assez déstabilisant quand ouais. On joue la première fois. Déstabilisant et pas forcément agréable à écouter, à part, faut être honnête aussi, c'est pas forcément un album, à part quelques musiques qui sont un peu plus acoustiques, comme l'introduction justement, qui est une merveille. Le premier morceau qui ouvre le jeu Silent Hill avec la cinématique, et aussi le talent de ce Silent Hill là, c'est d'installer les enjeux dès l'intro. Donc c'est pas une intro juste qui sert à rien, mais c'est une belle intro en musique qui t'installe directement les enjeux, et c'est une vraie merveille cette musique. Et justement le travail sur Silent Hill dans plein de genres, hein, sur au niveau de la mise en scène, au niveau de la 3D, parce que c'est quand même la 3D intégrale, ce qui était pas évident à l'époque sur des jeux d'aventure comme ça, où on voyait la caméra de derrière, ou on repense souvent à Resident Evil 4 pour parler justement des caméras à l'épaule, etc. Mais on avait quand même un jeu sur PlayStation 1 qui tournait en 3D intégrale, donc on avait les bâtiments, etc., que quand on se déplaçait, tout était intégralement en 3D, et il fallait le faire quand même à l'époque. Alors même si le jeu était vraiment moche, entre guillemets, certains l'avaient attaqué un petit peu pour ça, ce qui était un petit peu ridicule, mais on a quand même un jeu qui tente pas mal de choses, et comme tu le soulignes, la musique, c'était vraiment quelque chose que moi je n'avais jamais entendu. C'est ça. Donc on a commencé forcément avec le jeu qui a installé la mythologie Silent Hill, et on va redescendre un tout petit peu déjà en qualité pour pouvoir remonter un petit peu plus tard. Et oui, comme Creepers l'a un petit peu souligné déjà, hein, Silent Hill, c'est une série qui, au fil du temps, a pour certains perdu de sa superbe, et il y a des raisons à ça, c'est qu'il y a eu un petit peu tout et n'importe quoi qui est sorti estampillé Silent Hill. Et là, on vient d'écouter un morceau qui vient d'un jeu d'arcade, Silent Hill, sorti en 2007. Mais qui a pu avoir cette idée ? de se dire que Silent Hill serait un bon support pour un jeu de shoot avec un flingue, hein, comme dans Operation Wolf, quoi, ou Virtua Cop, ou House of the Dead, si vous voulez. Enfin bon, on peut en faire d'autres comme ça. Mais évidemment, Silent Hill, c'est l'anti-jeu d'action, d'une certaine façon, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Mais non, là, on en fait un jeu de flingue. Alors, le jeu n'est pas bon. Moi, je l'ai découvert en le croisant dans, vous savez, ces jeux vidéo qu'il y a dans les multiplex avant d'aller au cinéma. Stupéfaction, de loin, comme ça, je vois ce qui ressemble fortement aux monstres habituels de Silent Hill, et je m'approche et je vois, eh oui, c'était bien Silent Hill. Et la borne était belle ou pas? Je ne me rappelle plus trop, je vais pas raconter l'histoire, mais je crois que la borne avait plutôt fait une bonne impression. Parce que parfois t'as des jeux de merde à licence, mais au moins ils t'attirent justement avec une borne. Alors elle n'était pas incroyable, mais si ce n'est qu'il y avait le flingue, ça fait toujours son effet quand il y a une borne avec un flingue. Mais le jeu c'était instantané, on voyait bien que c'était pas bien, quoi, que ça n'allait pas. Alors j'y ai joué quand même. Hein. Je voyais plus ça avec une Wiimote, tu sais, pour faire avec une barre à mine. Ah bah oui, ça aurait pu. Bah ouais. Ça aurait été un petit peu plus proche finalement de l'esprit du jeu. Bon, voilà, donc un shooter, c'était vraiment pas l'idée du siècle. Le jeu est pas extraordinaire, mais il s'avère que les musiques, Yamaoka a fait le job. Alors, il y en a pas beaucoup, mais celles qu'il y a, bon, restent bien dans l'esprit de la série, donc ça valait le coup d'en parler vite fait. Alors, on va parler de celui-là, il y a d'autres jeux dont on va même pas parler, hein, comme des adaptations sur mobile, des trucs comme ça, là, on va faire comme si ça n'existait pas. Et gentiment, on va retourner vers le haut du panier, mais doucement. Hein. On va encore faire quelques petits arrêts sur des jeux pas extraordinaires, comme pour celui qui va suivre maintenant. Devait être une belle année pour les fans de Silent Hill, et Book of Memories aurait pu m'accompagner un peu partout puisqu'il est sorti sur PlayStation Vita, c'était une exclusivité, mais malheureusement je ne suis pas allé au-delà de la démo, et ouais, il y a des choses comme ça, hein, ça arrive, t'accroches pas, et c'était pourtant un choix culotté de la part du studio WayForward. Alors habitué, je sais pas si tu connais les jeux Shantae, toi, ouais, avec l'espèce de petit génie, ouais. En fait WayForward, donc ils font plein de petits jeux, ils font plein de jeux de commandes un peu par-ci par-là, et donc c'est eux qui ont fait ce jeu-là, et donc ils ont décidé de partir vers du hack and slash. Encore une idée qui n'était pas forcément super évidente là. Encore une idée qui est bonne. Dit tiens, il joue à Diablo. Dit ah, ça serait génial de jouer à Silent Hill dans l'univers de Diablo. Mais non, pas du tout. Alors pourtant le jeu pas forcément complètement nul. J'irai pas quand même jusqu'à là, mais je sais pas. Je me suis ennuyé au bout de 20 minutes. Donc ce qui est un peu mauvais signe généralement quand dans une démo tu s'ennuies déjà. Alors, généralement donne envie de jouer et d'acheter le jeu. Donc on est vraiment dans du hack and slash, dans l'univers de Silent Hill. Je peux pas résumer mieux que ça, c'est-à-dire qu'on va progresser et avancer, slasher du monstre, progresser en niveau, on peut même créer son propre personnage. Alors déjà, ce qui est un peu anti-Silent Hill, parce que voilà, la base est d'installer un personnage déjà existant avec un passif et on va essayer de s'intégrer, d'évoluer avec lui dans l'histoire. Et on verra plus tard que sur portable, c'est possible de faire un jeu avec une bonne histoire, avec un personnage vraiment, vraiment créé et écrit. Et c'était la première fois qu'on avait la musique de Daniel Licht. Mais ça, on en parlera un petit peu plus parce qu'il y a un autre jeu où il a fait la musique qui, voilà, qui mérite qu'on en parle un petit peu plus. Tu sais quoi, il m'avait fait penser ce jeu, parce que moi je n'y ai pas joué, mais j'ai fait mon travail de journaliste d'investigation, donc je suis allé sur YouTube pour regarder à quoi ça ressemble. Alors j'ai trouvé ça pas du tout intéressant et ça m'a fait penser au jeu qui s'appelait Reloaded. Ou Loaded sur Saturn et le PlayStation. Shoot, j'ai retrouvé à peu près le même genre d'ambiance, le même genre de jeu. Et c'était pas un grand souvenir ce jeu, donc ça m'a pas beaucoup aidé à apprécier ce que j'ai vu sur l'écran. Ouais, bah, c'était surtout la violence de Reloaded qui avait marqué les gens à l'époque, mais c'est vrai que le jeu était pas fabuleux. Pourtant, il y a eu une suite. Ouais, bon, mais bon, comme, commence déjà à partir dans tous les sens. Mais voilà, donc Book of Memories 2012. Alors je sais que le jeu se vend très cher sur internet parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires vendus forcément, donc voilà. Mais c'était pas génial. On va partir dans la ville de Silent Hill dans une version qui a divisé les gens à sa sortie, mais avec une BO absolument incroyable. Dans cet épisode, on va contrôler Alex, un ancien militaire, de retour dans sa ville natale de Shepherd's Glen, à deux pas de Silent Hill. C'est Travis Grady, un routier dont on reparlera plus tard dans l'émission, qui l'a pris en stop. Alex fait un cauchemar dans lequel se trouve son frère Josh, et arrivé sur place, il trouve une ville déserte, pleine d'un brouillard persistant. Chez lui, il tombe sur sa mère, immobile et mutique, si ce n'est qu'elle parle de son père parti à la recherche de Josh. En même temps que des monstres peu sympathiques, Alex va découvrir que plusieurs enfants ont disparu de la ville. Au gré de ses rencontres, il va se rendre à Silent Hill pour y affronter un ordre religieux fanatique, sauver sa famille et découvrir qu'il a un rôle central à jouer dans toute cette affaire. Pas évident hein, de passer après la Team Silent, et oui, Silent Hill Homecoming est sorti en 2008, et la Team Silent a quand même créé un univers, une mythologie, et comment réussir à reprendre une série comme celle-ci sans froisser les fans, n'est-ce pas, Rony? Et c'est Double Helix, bizarrement, qui a été choisi par Konami pour prendre la suite des aventures de Silent Hill sur console haute définition, qui n'était pas de la vraie haute définition, nous avait bien roulé à l'époque, les salauds. Et ils se sont quand même un petit peu plantés. Alors, moi j'ai plusieurs explications à ça. Mais on va revenir là-dessus un tout petit peu plus tard, parce que pour moi, les premières minutes, il y a un peu l'illusion. Ça fait le job. Il y a des choses qui s'installent. Voilà, ça fait le job. Et pourquoi? Parce que justement, on a un peu l'impression que le manuel du petit Silent Hill appliqué, eh ben, il l'avait sur les genoux pendant le déroulement et se dire, voilà, comment on peut faire un Silent Hill? Et c'est ça un peu le problème. C'est que quand tu reprends quelque chose comme Silent Hill, eux, ils savaient vers où ils allaient. Ils avaient installé un univers, ils avaient installé tout ça. Et là, on reprend un bébé et il faut que tu respectes des codes. Mais malheureusement, on sent qu'il n'arrive pas vraiment à aller vers quelque chose avec une véritable identité. Et là où, pour moi, on sent qu'ils n'ont pas vraiment de réflexion derrière ça, c'est que là où Silent Hill 1 et 2 et 3 et 4 faisaient du coude à l'échelle de Jacob, bah là il le cite directement. Ouais. Donc cache dès le début l'échelle de Jacob, c'est clairement une influence au niveau des hallucinations du personnage principal du film, ça a vraiment inspiré les jeux. Ancien et bah là, militaire, direct, hein, le personnage. Voilà, ancien militaire, et bah là on a un ancien militaire, on commence avec une séquence coup de coude sur le brancard, un peu comme dans l'échelle de Jacob, et on a donc un personnage bah, qui a des visions et qui sur lequel on va apprendre qu'il y a des choses assez particulières sur son passé, qui a été marqué par la guerre, etc. Donc là on est vraiment dans, voilà, on sait pas vers où aller, bah on va reprendre directement l'échelle de Jacob, on va le citer, comme ça au moins voilà la boucle est bouclée, et Silent Hill, voilà, c'est l'échelle de Jacob, et on l'assume parfaitement. Et ça jusqu'au twist qui arrive plus tard dans le jeu, qui est d'ailleurs pour moi peut-être la meilleure chose du jeu, parce qu'il est plutôt bien amené, je trouve. Mais même là, ça reprend l'échelle de Jacob. Voilà, c'est un peu un aveu de faiblesse, c'est-à-dire qu'on a un univers, forcément Silent Hill est déjà installé, ils reprennent en plus les transformations qui venaient, si je dis pas de bêtises, du film, parce que on a la pourriture, on va dire, ou le pourrissement, je sais pas comment on pourrait dire, qui était une bonne idée, je trouve, dans le film, pour justement faire venir l'univers, bah là, ils le reprennent aussi. C'est-à-dire que tout ce qui a un petit peu influencé Silent Hill, bah eux, ils l'ont repris, et tout ce qui a été apporté par d'autres, et bah ils le reprennent aussi, là où chaque Silent Hill a pratiquement une explication différente, en fait, de Silent Hill, et de la façon d'amener l'univers parallèle. Et donc là on a quelque chose d'un petit peu plus classique, qui va dans la violence un petit peu plus gratuite aussi, je trouve, et même s'il y a une ambiance qui peut s'installer et qui progresse plutôt bien, et ben le jeu est pour moi un échec parce qu'il a du mal à apporter quelque chose de neuf dans la mythologie Silent Hill, en plus des nombreux bugs, etc. Ouais, puis pour moi il se plante dès le départ aussi par des choix de gameplay qui sont clairement orientés vers l'action, et là aussi j'ai l'impression de voir Silent Hill qui n'est pas bien compris. L'essence de cet univers n'est pas vraiment là. C'est un jeu qui m'a lassé extrêmement vite à force de taper sur des monstres, d'autant plus que dans la structure des niveaux de Homecoming, contrairement au précédent Silent Hill où on faisait finalement pas mal de slalom entre les monstres, là, on pouvait les éviter. Alors, ouais, clairement. Dans Homecoming, il y a plein d'endroits qui sont finalement plus petits, avec des points de passage obligés où tu pouvais pas éviter les monstres. Alors je dis ça comme si je l'avais fait hier, c'est pas tout à fait le cas, mais je me rappelle m'être beaucoup énervé à cause de ça. Donc, de pas pouvoir trop slalomer. Donc bon, pour moi c'est vraiment un des épisodes les plus faibles de la série. Je trouve pas ça glorieux, Homecoming. On est d'accord, c'était à l'époque et encore maintenant quand même une cruelle déception. Se remettre de cette cruelle déception, pourquoi pas parler de musique concernant Silent Hill Homecoming. Là, on vient d'écouter un morceau qui s'appelle Slave to Death, encore des titres très, j'allais dire, très joyeux. Très chaleureux. Mais parce que autant il s'avère que Homecoming est décevant, autant son OST, eh bien, c'est le grand écart. Elle est absolument fantastique. Ouais, formidable. Là, c'est une de mes préférées hein, de tous les Silent Hill. Et autant vous dire que la sélection des morceaux pour Homecoming a été très compliquée à cause de ça. C'en est une que j'écoute assez souvent, parce que contrairement au premier Silent Hill qu'on avait évoqué, là on a quelque chose avec des morceaux qui sont plus équilibrés, où on continue de trouver toutes ces traces de morceaux très expérimentaux, avec des bruitages, mais c'est mieux maîtrisé à mon avis. Là je trouve aussi ça s'intègre beaucoup plus au côté justement mélodique de certains morceaux. C'est ça. C'est moins agressif. On arrive notamment, je trouve qu'il maîtrise extrêmement bien cet aspect de mélodie distordue, mais qui a sa logique interne en fait, et avec ces morceaux qui démarrent d'une certaine façon et qui s'enfoncent toujours plus loin, qui nous emmènent ailleurs au fur et à mesure qu'il se déroule. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre sur cette OST, si ce n'est il faut l'écouter. Parce que elle est toujours sur le fil, exactement sur le fil. C'est un petit miracle, hein, cette bande originale, à écouter d'urgence. Bah en fait, tu vois que c'est le seul qui maîtrise véritablement l'univers Silent Hill dans tout ce qui se passe dans le jeu. Et il s'est dit, je vais y aller à lui, fond, parce que vu la gueule du jeu, ouais, lui, il y va à fond. vu la gueule du jeu, faut quand même que je rende une copie assez classe. Et c'est vrai qu'à mon avis, il a dû peut-être avoir tout ce qui était scénario, peut-être qu'il y avait une base qui était solide. En tout cas, comme tu le dis, le disque est complètement équilibré. Je pense que c'est exactement c'est ça. C'est vraiment excellent. Et de bout en bout, tu peux vraiment écouter, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs encore ce matin, tu peux écouter l'album de bout en bout, sans te lasser, sans te dire, là c'est trop agressif, ou là j'arrive pas à l'écouter, c'est pas un truc que tu peux écouter à part. Moi dans le train, je l'ai écouté en préparant l'émission, et ça t'accompagne vraiment super bien. Ça te met pas forcément de bonne humeur. Mais même dans la chronologie de l'album, il est construit en tant qu'album. Ouais. Et je ne sais pas si ça t'a fait ça quand tu l'as écouté ce matin, mais du coup quand t'écoutes l'album, tu te dis, t'imagines le jeu que ça aurait dû être. Ah oui, c'était du niveau du disque, ça aurait dû être un jeu formidable. Exactement, ça, exactement. Donc voilà, on peut cracher sur Silent Hill Homecoming, mais il a au moins un énorme mérite. C'est grâce à ce jeu qu'on a cette musique, donc autant en profiter quoi. Silent Hill Origins ou Silent Hill Zero chez nos amis japonais est une préquelle au premier jeu Silent Hill. On plonge cette fois au cœur de la ville dans la peau de Travis Grady, chauffeur poids lourd hanté depuis quelques temps par d'horribles cauchemars. Alors qu'il traverse la ville de Silent Hill pour une livraison, il aperçoit une enfant au bord de la route. Alors forcément, notre ami Emile Louis décide de s'arrêter pour l'aider, court derrière et se retrouve face à une maison en flammes. Ah oui, Emile, quand il voit un enfant, il peut pas s'arrêter. Il y va, il fonce. Tant qu'à rester dans l'horreur, autant... Abandonner la Silent Hill, hein. Alors, il va sauver une jeune fille, Alessa, de cet enfer et va la déposer à l'hôpital. Et à partir de là, Travis affrontera des visions torturées de son passé tout en aidant Alessa à se libérer de sa mère et de l'ordre. Alors forcément, transporter un survival horror comme Silent Hill sur une portable comme la PSP, c'est pas forcément quelque chose de facile, et je trouve que le studio Climax a plutôt bien travaillé sa copie. Alors déjà, l'histoire est cohérente par rapport au premier Silent Hill, et ça raccroche bien les wagons. Mmh. Alors après, on est sur de la préquelle, donc c'est un petit peu une solution de facilité, forcément, parce que au moins t'as déjà une histoire qui est basée, qui est installée, et tu n'as plus qu'à coudre quelque chose au-dessus. Mais j'ai trouvé ça plutôt agréable à jouer. Il y a forcément l'apparition des QTE peut un petit peu étonner, mais je trouve que par rapport au format portable, vu le support, c'est pas forcément un scandale. C'est pas un scandale, je suis d'accord. Et même le système de miroir qui permet de passer d'une dimension à l'autre, par rapport aux limitations techniques de la PSP, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et donc Climax, en prenant, on leur dit vous devez nous faire un Silent Hill sur une console portable. Je trouve pas ça déconnant, d'autant plus que les survival horror sur console portable, c'était pas ce qu'on pouvait trouver le plus à l'époque, quoi. Ma petite limite sur ce jeu, alors c'est le dernier jeu que j'ai fait, hein, je l'avais pas fait au moment de sa sortie, donc je l'ai fait dans l'objectif de la préparation de ce podcast, qui m'a finalement le plus ennuyé. Je me suis rendu compte que d'avoir les zones d'ombre de la série gommées pour avoir plus d'explications, ça m'intéressait pas tellement. Ça fait partie des choses que je n'aime pas non plus, même au cinéma. Hein. J'aime pas quand on me raconte des trucs qui... Je préfère rester sur l'imagination. C'est ça. Ou je préfère la peur de pas savoir. En fait, je vivais très bien sans qu'on m'explique quoi que ce soit d'autre. Ça m'allait très bien et je trouve que le personnage principal est aussi... arrive à Silent Hill sans objectif. Il n'y a pas de thématique développée dans cet épisode. Alors après, c'est pas désagréable à jouer, parce que comme tu le dis, c'est correctement fait, hein, sur une console portable, c'est pas mal. J'ai du mal à dire autre chose que pas mal sur cet opus. Il mérite pas forcément mieux ni pire, c'est un petit jeu qui reprend Silent Hill, qui raconte les origines, et c'est vrai que c'est jamais ce qu'il y a de plus intéressant dans les sagas, ça c'est clair. Alors sur cet épisode, il y a une chose qui est intéressante, c'est d'aller écouter sa musique, son OST. parce que quand on joue sur PSP, c'est pas vraiment le support idéal pour vraiment profiter du son. Et là, une fois de plus, notre ami Yamaoka ne s'est pas moqué du monde, il nous a sorti une OST tout à fait convenable, pas mal du tout même, avec manifestement un vrai objectif qui était d'aller rechercher les origines de Silent Hill. Enfin, il a dû prendre le titre du jeu au pied de la lettre. Hein. Et dans les musiques qu'il propose, moi j'ai comme une impression de relecture de ce qui avait été fait dans le premier Silent Hill, alors en plus propre quand même. J'allais dire en plus propre. Ouais. Hein, mais on retrouve notamment pas mal de morceaux qui appuient sur ce côté un petit peu suspendu, ce côté éthéré de l'univers de Silent Hill. On a aussi un peu plus que dans d'autres albums, le côté dirty et industriel des sons. Alors quand je dis dirty, alors je viens de dire propre, ça a l'air contradictoire, mais non. Le son peut être propre. Oui, au niveau production. Oui, c'est ça. Au niveau production, ça n'empêche pas que d'inclure des éléments dirty dans la conception. Alors du coup, ça donne un mélange assez original et plutôt agréable à l'écoute. Alors on n'est pas dans mes OST préférés hein, de la série Silent Hill, mais ça se tient pas mal et c'est même un peu surprenant sur une production PSP. Hein. On sait que c'est quand même pas un CD où il y a plein de place. Et que c'est, bah, il a pas bâclé le boulot, hein, l'ami Yamaoka, mais bon, c'est un peu une constante. Et ça mérite d'avoir une oreille posée dessus. C'est pour ça qu'on vous en a passé deux morceaux. Vous avez pu voir que bah, c'était quand même pas mal du tout. On est en train de s'approcher maintenant de ce qu'on va pouvoir commencer à considérer des vrais bons jeux Silent Hill. Et figurez-vous qu'on va commencer pour ça par un bon vieux remake. Et oui, Rune, c'est une constante dans le cinéma. Après la préquelle, on sait pas quoi faire, et bah on fait un remake. Allez, c'est parti. Harry Mason, Cherry, l'accident de voiture, et oui, ça me dit quelque chose, car en 2009, le studio Climax nous propose sa vision des événements du premier jeu. Et alors qu'on pouvait craindre le pire, bah généralement dans le jeu vidéo, c'est un peu l'inverse des fois qui se produit, parce que des fois les suites dans le cinéma, bah c'est nul. Là, dans le jeu vidéo, c'est généralement très très bon. Et bah, ils arrivent à nous proposer quelque chose d'intéressant. Et c'est là où je me dis que, en fait, le studio Climax, ils ont compris, en fait, Silent Hill, et ils ont osé des choses. Alors déjà, ils poussent encore plus l'aspect psychologie du jeu, et c'est une excellente idée. Harry ne sait plus vraiment où il en est, il y a même des personnages comme Sybil qui doutent vraiment de lui, et il y a plein de remises en question par rapport au premier jeu Silent Hill, et la bonne idée, bah, c'est d'installer des séances chez le psy. Et ce qui va d'ailleurs influencer pas mal d'autres jeux qui vont sortir par la suite, et on va pouvoir interagir avec lui en répondant à des questions, et les réponses qu'on va donner vont influencer directement le jeu, c'est-à-dire que l'ambiance, les monstres, les détails vont un petit peu s'articuler autour des différentes réponses qu'on va donner à ces questions. Super bonne idée, parce que là pour le coup, c'est une excellente c'est idée. Très très raccord avec le principe de Silent Hill, bah, c'est ça. Et d'autant plus avec ce premier épisode ou dans l'épisode d'origine, finalement c'était aussi le joueur qui pour le coup remplissait des blancs, mais là on mettait ce qu'on voulait dedans. On pouvait dire que c'est un épisode qui parlait de beaucoup de paternité, de responsabilité aussi. Ouais. Quand on a une personne à charge. Mais c'est nous qui projetions ça. Là, c'est intéressant de le matérialiser d'une façon, c'est plutôt malin, quoi, la façon dont c'est fait. C'est hyper malin et en plus, c'est plutôt bien écrit. Pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu vidéo, c'est Sam Barlow qui a écrit le jeu et il va faire un jeu, moi, que j'avais beaucoup apprécié par la suite, c'est Her Story. Donc c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ces choses-là et qui était aussi un jeu qui parlait un petit peu de double personnalité, d'ambivalence, etc. Et donc dans ce Shattered Memories, c'est hyper bien foutu et ça apporte vraiment quelque chose de nouveau dans la mythologie Silent Hill. Et ce qui est intéressant aussi dans le jeu, c'est qu'on n'a plus de combat. Donc contrairement aux mecs qu'on fait Homecoming, ils ont compris que les combats, c'était pas forcément ce qui intéressait le plus les gens dans les Silent Hill, et ils ont installé un système de fuite, c'est-à-dire que les monstres sont invincibles, on ne peut pas les tuer, donc il faut se barrer. Et en plus dans Silent Hill, on n'a plus vraiment de brouillard, c'est de la glace en fait qui s'installe dans la ville, donc il y a plein de petites choses qu'ils vont apporter dans ce remake, et alors qu'on pouvait s'attendre à refaire le même jeu en plus beau, ce qui serait déjà très bien, parce que les jeux, en plus, techniquement, ils ont vieilli, donc moi, ça m'intéresserait de refaire un Silent Hill déjà plus beau, comme ils l'ont fait dans certains jeux, et ben là, ils apportent quelque chose de neuf, ça fait du bien, et en plus, c'est un jeu qui a influencé, alors, je pense, pas mal d'autres titres, justement, qui partent dans le survival horror un peu différent, des jeux comme Until Dawn, qui reprennent le côté un peu psy, réponse, ça, qui vont clair, influencer dans, l'histoire. Dans Until Dawn, ça se voit clairement, enfin, je pense que c'est assumé. C'est complètement assumé, je pense aussi, et t'as aussi des titres comme Amnesia, qui repose sur la peur, où il n'y a pas d'affrontement avec les monstres, où c'est beaucoup plus suggéré, etc. Donc il y a beaucoup de jeux qui sortent encore maintenant qui ne nous obligent pas à affronter les monstres et qui vont beaucoup plus jouer sur l'ambiance, et je pense que ce Silent Hill là n'y est pas pour rien en fait. De la musique sur ce remake, et bien c'est la dernière OST composée par Yamaoka pour un Silent Hill, et je dois bien dire que j'ai tendance à penser que c'est la plus faible qu'il ait pu faire. Alors ce qui est bien avec lui, c'est que même son disque le plus faible, eh ben il est bien quand même. Ça ne laisse pas une impression aussi définitive que d'autres OST dont on a parlé avant, on peut reciter Homecoming, hein, très très équilibré, mais là on a quelque chose, un cahier des charges qui a été rempli correctement, parce qu'il en a écrit des pages et des pages, hein, de Silent Hill, il sait comment faire, mais il n'y a pas la même imagination que dans d'autres albums, ça sent l'œuvre de commande. Donc, une œuvre de commande, hein, quand c'est bien fait, c'est pas désagréable, mais ça reste une œuvre de commande. On n'a pas, pour moi, c'est pas un album d'artiste comme peuvent l'être les autres. Alors, ça n'empêche pas de sortir des morceaux bien agréables, hein, ceux qu'on vous a passés sont quand même franchement pas mal. Mais voilà, si on doit se passer d'écouter une OST de Silent Hill, et ben autant que ce soit celle-là, à mon avis. Mais c'est vrai que pour le coup, ça aurait été intéressant de voir quelqu'un d'autre reprendre la musique de Silent Hill, parce que tant qu'à faire un remake, autant le faire à fond. Et c'est vrai que ça aurait pu être intéressant d'avoir, en plus on voit la vision originale du jeu fait par le studio Climax, ça aurait pu être bien de voir un autre compositeur s'approprier l'univers en fait. Tout à fait. Bon, et cette fois-ci, on peut dire qu'on attaque maintenant les meilleurs jeux Silent Hill sortis, même si pour celui qui arrive, il y a un petit peu débat entre Creepers et moi. Silent Hill 3 commence 17 ans après le premier épisode, alors qu'on contrôle Heather, jeune femme accostée par un détective privé qui souhaite lui faire de grandes révélations sur son passé. Elle refuse de l'écouter, de façon un peu étonnante d'ailleurs, et s'enfuit dans les toilettes des femmes. C'est un grand classique, les toilettes dans Silent Hill. En ressortant, c'est dans un monde cauchemardesque, peuplé de monstres et faisant écho à un de ses rêves prémonitoires, que Heather va tenter de retrouver son appartement. Le parcours est difficile et une fois arrivée, elle découvre son père assassiné. Elle finit par écouter Douglas le détective, qui affirme que les réponses se trouvent à Silent Hill. Ils s'y rendent et se séparent pour enquêter. Heather va devoir faire face à son passé, apprendre toute la vérité et combattre les forces obscures de la ville maudite. Grosse attente pour moi, vous pensez bien, on sortait de Silent Hill 2, on annonce Silent Hill 3, j'étais comme un fou. Et je n'ai pas été déçu du voyage. Alors déjà, Silent Hill 3 renoue avec les personnages du premier opus de fort belle manière, je trouve, et creuse un peu plus les événements et la mythologie de Silent Hill. Ensuite, le jeu est plus abouti techniquement, et il y a un gros travail sur les personnages et sur leurs expressions. Et c'est quelque chose qui avait vraiment apporté beaucoup, je trouve, au niveau de l'ambiance, surtout au niveau des cinématiques, qui avait, je trouve, beaucoup plus d'impact, et ça marchait vraiment bien. Après, on est quand même dans un titre, clairement, un petit peu plus rentre-dedans quand même. On sent une volonté d'aller faire quelque chose d'un petit peu plus nerveux. On a d'ailleurs des ennemis qui vont plus vite, si je dis pas de conneries, dans ce troisième opus, notamment des chiens, je crois, qui galopent un petit peu dans tous les sens. Et c'est vrai qu'on perd un petit peu en psychologie dans ce Silent Hill 3 qui, en voulant raccrocher un petit peu tout ce qui se passe dans le premier, bah fait peut-être un petit peu la même erreur qu'on pouvait avoir dans Origins après, c'est-à-dire de revenir sur des éléments qu'on connaissait déjà et de broder un petit peu autour de tout ça. On a peut-être un peu moins de personnalité, et donc je peux, on va voir ce que tu vas en penser juste après, mais je peux comprendre que ce troisième opus laisse moins de marques qu'un Silent Hill 2 par exemple, mais je trouvais vraiment que le côté vraiment un peu plus gore, un peu plus macabre, plus oppressant encore, je trouve, au niveau violence, faisait son petit effet dans Silent Hill 3, et que au niveau du scénario, au niveau de l'histoire et du personnage, et le fait de revenir avec les mêmes éléments que dans le premier, moi ça m'est plutôt bien accroché. Ouais, mais parce que je peux comprendre ça. Alors, ce Silent Hill 3, moi, c'est ce qui m'a fait réaliser ce qui ne m'intéresse pas dans Silent Hill. Comme toi, je l'attendais énormément après Silent Hill 2. Je l'attendais d'autant plus qu'il est sorti sur PlayStation 2. Je n'avais pas cette console. J'avais une Xbox et il a fallu que je me débrouille pour me faire prêter une machine pour jouer au jeu, etc. Enfin, ça a été toute une histoire, donc j'y ai pas joué du tout à sa sortie. Mais ce qui n'a fait que augmenter mon attente, d'autant plus que le jeu a été très bien reçu. Donc j'en attendais beaucoup et je dois dire que j'ai été déçu. Alors, je pas partout parce qu'il y a des très belles ambiances, notamment dans la foire. Il y a des passages qui sont super bien réussis. Donc, j'y ai pas joué avec déplaisir à Silent Hill 3, mais le côté qui, toi, t'a intéressé de « on retrouve des personnages, on revient dans la ville, on est dans la continuité de la mythologie », moi, ça m'a emmerdé. Pour moi, Silent Hill, c'était, avec les deux premiers épisodes, une série où je voyais un traitement d'une thématique par épisode, en quelque sorte. On a déjà évoqué le premier, alors le deuxième, on va probablement y passer pas mal de temps. Donc je vais pas m'apesantir dessus maintenant, mais le troisième, j'ai eu l'impression de trouver un jeu qui finalement était plus ordinaire dans son scénario. C'est vrai que le personnage de Heather n'a rien à apporter parce qu'elle est rattachée au premier, donc on sait déjà un peu les enjeux qui étaient justement dans le premier. Les seules surprises qu'on va avoir, c'est comment ça a été rattaché, de quelle manière, et pas forcément, c'est pas le personnage qui va apporter quelque chose. Tout à fait, mais c'est là où dans les plus grands Silent Hill, alors le premier et le deuxième, voilà, pour moi le personnage qu'on joue, il apporte quelque chose dans Silent Hill. Ouais, c'est ça. C'est son inconscient qui se projette dans la ville. C'est pas le cas de ce Silent Hill 3. Et j'ai trouvé ça nettement moins ambitieux que les deux précédents. Bon, après, je vais pas cracher dans la soupe. Je me suis pas ennuyé et il y a des passages qui sont vraiment, vraiment pas mal. Mais j'ai quand même vu ce qui allait m'intéresser, ce qui allait moins m'intéresser dans Silent Hill, et j'ai pu aborder les suites avec un œil un petit peu plus critique. Et en ce qui me concerne, ça s'est confirmé, hein, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, Homecoming lui aussi se rattache quand même pas mal à l'histoire principale, on retrouve les éléments habituels, et moi ça me parle pas du tout, ce côté-là, alors que le prochain jeu dont on va parler va beaucoup plus me causer. Il y a par contre un point sur lequel on risque d'être d'accord, c'est sur la musique de ce Silent Hill 3, parce que là, encore une fois, c'est vraiment une très belle partition. Thank you. Par rapport aux OST des deux précédents opus, celle de ce Silent Hill 3 se caractérise par beaucoup plus de morceaux chantés. Et pour quelque chose de très réussi, je dois dire, avec, on n'en avait pas encore parlé, Marie-Elisabeth McGlynn, qui est la voix de Silent Hill. On peut, à vrai dire, pas imaginer vraiment qu'il puisse y avoir quelqu'un d'autre, même si de mémoire sur cet album, il y a un morceau où c'est une autre chanteuse. Si je me, j'espère que je dis pas une ânerie. Ah, je ne pourrais pas te suivre sur ce schéma-là. J'ai peut-être pris un risque là, en disant ça. Bon, bref. Mais le résultat, en tout cas, il réussit à dégager sa propre personnalité. C'est un très bel album avec un peu moins expérimental que les précédents, que le premier et le deuxième. Donc, l'autre côté du curseur, c'est plus musical. Mais on continue de garder l'identité de la série, notamment cet aspect un petit peu rock qu'on a avec les guitares. J'ai presque envie de dire que cet album, c'est à mon avis la meilleure introduction à l'univers musical de Yamaoka pour Silent Hill. C'est peut-être le plus accessible. Alors quand on dit accessible, ça ne veut pas dire que c'est vulgarisé et que c'est pas bien. Hein. Tous les codes de Silent Hill sont là. Mais c'est là où les morceaux, on va dire, sont peut-être, si je dis les plus traditionnels, est-ce que c'est correct, Creepers ? Ouais, ça reste quand même assez, certains restent quand même assez particuliers, mais je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire que c'est des morceaux qui sont peut-être plus structurés, qui sont plus faciles à appréhender quand on n'a pas l'habitude de jouer à un Silent Hill et qu'on aime juste un peu la musique de jeux vidéo. C'est vrai que les musiques chantées qui ouvrent un petit peu les albums déjà se permettent de se plonger un petit peu dedans. Mais c'est vrai que les morceaux sont moins chaotiques et moins violents que dans un Silent Hill 2, par exemple, clairement. Allez, il est temps de fermer Silent Hill 3, et finalement, très logiquement, on va passer à Silent Hill 4, un jeu un petit peu particulier, avec un gars qui reste dans sa chambre toute la journée. Voilà 5 jours que Henry Townsend fait un cauchemar, toujours le même. Il est coincé dans son appartement et un portail l'emporte dans une réalité déformée et morbide où il apprendra la vérité sur des faits étranges. Alors qu'il croit encore avoir fait un mauvais rêve, Henry se réveille coincé dans son appartement avec des chaînes qui bloquent sa porte d'entrée. Les fenêtres sont bloquées, il ne peut rien faire et ne peut surtout pas interagir avec le monde extérieur qui continue de vivre sans lui. Et un jour, en faisant les 100 pas dans son appartement, Henry se rend compte qu'il y a un trou dans le mur de la salle de bain. Et lorsqu'il y pénètre, il se retrouve transporté dans le métro et fera la rencontre de Cynthia. Sur ce quatrième épisode de Silent Hill, baptisé Silent Hill The Room, moi j'ai surtout envie de dire, et si on réhabilitait cet épisode ? Alors je sais qu'à sa sortie, il n'a pas été descendu par la critique ou quoi que ce soit, mais c'est un jeu qui propose quelque chose de très différent des précédents, et ce qui a un petit peu divisé chez les joueurs. Moi je me rappelle de discussions que j'avais avec des personnes à l'époque qui disaient ouais non c'est nul, on fait que des allers-retours, on vient toujours au même endroit. En fait j'ai l'impression qu'il y a une partie des joueurs qui n'a pas compris de quoi parlait ce jeu, ce qui a été tenté, ou alors ils ont compris et c'est moi qui fais de l'angélisme, j'en sais rien, mais en tout cas c'est un jeu qui a tenté quelque chose et surtout qui a voulu injecter des idées dans Silent Hill. Et c'était alors, le moment, il fallait faire quelque chose, exactement. On pouvait pas encore revenir sur un schéma qui serait toujours le même avec le type qui revient dans la ville et puis c'est bon, on a déjà vu ça. Là, il fallait faire quelque chose et ça a été fait de façon, je trouve, très intelligente puisque le gameplay, le monde étrange reprend les codes de Silent Hill. Hein, on est toujours avec ce même genre de monstres, le même genre de visuel également. Mais en même temps, on a à nouveau, ce que j'aime dans Silent Hill, c'est-à-dire des thèmes qui sont développés. Ici, on va parler notamment de claustrophobie, où à force d'avoir un appartement qui se désagrège et le fait de la matérialisation des chaînes qui font qu'on peut vraiment pas sortir, on finit par être content d'aller dans un monde plein de monstres, ne serait-ce pour prendre l'air, quoi. On parle aussi beaucoup dans ce jeu de voyeurisme. Ouais. Alors, en regardant par la fenêtre, hein, mais aussi en regardant par le Judas de la porte. Alors surtout par Judas de la porte, c'est une petite déception pour moi, je pense que cet aspect voyeuriste aurait dû être beaucoup plus développé en regardant par les fenêtres. Bon, je sais que quand j'y jouais, j'allais souvent vérifier s'il se passait quelque chose, mais non, il n'y avait plus rien par là. Mais encore une fois, voilà, ça c'est un thème qui est intéressant et qui a quelque chose de nouveau. Alors certes, ça fait que toute une partie du gameplay se passait dans l'appartement. Pour le coup, il n'y avait pas de monstre, hein, il n'y avait pas d'interaction, on se contentait de se déplacer. Ça peut être déstabilisant pour les fans de la saga. Moi, je crois que c'était nécessaire et que ça aurait peut-être dû être un modèle à suivre, de tenter quelque chose à chaque fois. Et en plus, je trouve que l'histoire est pas mal. L'histoire est pas mal, et puis même justement dans ce qui se passe dans le jeu, ça parle beaucoup de solitude, ça parle de personnes rejetées. Tout à fait. On est aussi sur un jeu, alors je vais peut-être faire le mec qui fait de la branlette intellectuelle, mais justement l'appartement, un peu comme la ville de Silent Hill, alors là l'appartement pour moi il représente un petit peu l'enfermement du quotidien, ce qui fait un peu comme tu me décrivais, c'est que le personnage se retrouve enfermé, et malgré le fait qu'il y ait plein de monde autour de nous, on est tout seul. Et alors je sais pas, c'est peut-être très japonais aussi, parce que je sais que les japonais sont très enfermés sur eux-mêmes et ne sortent pas, et même s'ils sont beaucoup, ils ont beaucoup de mal aussi à s'extérioriser, etc. Mais c'est vrai que l'intelligence, moi je trouve, de ce jeu-là, bah, c'est de tenter des choses, et de tenter de parler de choses plutôt intéressantes. Et c'est vrai que le côté enfermement, le fait de vouloir sortir à tout prix et d'aller voir des gens, bah, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, et on le ressent d'ailleurs même dans les thématiques du jeu, et sur justement le personnage qui nous envoie des mots, etc. C'est une personne qui a beaucoup souffert dans sa vie et qui l'a extériorisé d'une façon que certaines personnes vont beaucoup trop loin pour en finir. Et c'est vrai que c'est un sujet qui était plutôt intéressant. Et dans The Room, là où on se rend compte que finalement c'est vraiment bien fait cet aspect-là, c'est que ce côté isolé de notre personnage, ce côté solitude, fait que, tu as raison, tu évoquais les mots qui sont glissés sous la porte, on finit par les attendre. Bah oui. Quand tu fais le jeu, alors qu'en général, tu comprends vite que tu vas pas avoir beaucoup de bonnes nouvelles, que l'histoire elle est quand même un petit peu mal embarquée, mais tu peux pas t'empêcher, dès que tu reviens dans l'appartement, directement tu fonces vers la porte, tu constates qu'il y a des nouvelles chaînes qui sont là, mauvaise nouvelle, mais tu essayes de regarder par le Judas si tu vois quelque chose. Finalement, le sujet du jeu se transfère très bien chez le joueur qui, de façon naturelle, réagit comme un personnage seul qui aimerait s'ouvrir vers l'extérieur. Et t'as raison, c'est peut-être de la branlette intellectuelle, mais je crois que ça se tient. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis une vue à la première personne, hein, et que les mouvements sont assez lourds et assez lents, c'est pour qu'on ait envie de passer à autre chose, et qu'on ait envie de sortir de l'appartement et d'aller d'un point A à un point B plus rapidement, au lieu de s'ennuyer à avancer de gauche à droite. Et c'est pertinent, c'est un risque, parce que effectivement les gens qui n'ont pas l'habitude de jouer à ce type de jeu, qui veulent vraiment des choses assez classiques, eh ben, ils peuvent rejeter le jeu en bloc, mais je trouve que moi que c'est plutôt intelligent. Bon, vous l'avez compris, on a plutôt bien aimé The Room, mais bon, je pose la question, est-ce qu'on a aimé sa musique et est-ce que c'est une question rhétorique ? Eh bien, j'ai envie de dire oui, oui, mon très cher Ron, c'est un travail absolument immense sur le sound design que nous propose Akira Yamaoka. Non, sans plaisanter, c'est justement, et on sent la volonté de frais, je pense, de Yamaoka. Il avait envie aussi d'autre chose et il colle parfaitement, je trouve, aux thématiques du jeu et il nous propose une bande originale tout simplement oppressante. C'est où ça. On sent voilà, la solitude qui est au cœur de ce Silent Hill là. Et en fait, Yamaoka parvient parfaitement à retranscrire la sensation à la perfection. D'ailleurs, le monsieur maîtrise son art et surtout il sait où il va avec Silent Hill. Et pareil pour la Silent Team, il tente quelque chose et lui, bah, il colle parfaitement à ça. Mm-hmm. Et tout au long de cette bande originale, et bah, le côté seul, le côté vraiment, vraiment oppressant de l'univers et de tout ce qui se passe dans le jeu. Et ben moi je trouve que c'est là, ça fonctionne, il y a beaucoup de très très belles compositions. Alors là encore une fois c'est mélangé avec des trucs un petit peu plus bizarres. Je trouve que c'est un petit peu plus expérimental que celle, ouais, que celle du 3 justement. Et Yamaoka retente des choses et ça fait du bien parce que justement alors que ce soit les musiques chantées, qu'il y en a vraiment des très très belles aussi dedans, et les compositions un petit peu plus industrielles, il y a aussi même parfois, que je vais dire une connerie parce que j'ai toujours du mal un petit peu à parler de ce type de musique là, mais je trouve qu'il y a même un petit côté un peu jazz parfois dans certaines sonorités, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Alors à vrai dire, bon, je vais l'évoquer maintenant du coup, les influences de Yamaoka, on a déjà parlé de musique un petit peu indus, hein, ça c'est une évidence. On a parlé aussi de rock. Ouais. Effectivement, les guitares sont bien là, hein, les morceaux chantés aussi, ça ferait un album de rock, hein, si on les additionnait. Moi, je vais rajouter aussi à ça une probable influence hip-hop. Et même trip-hop, je trouve qu'il y a des moments très Morshiba, des choses comme ça. Oui, absolument, où il y a une évidente volonté de rechercher à créer une boucle, souvent à partir de, en utilisant des sons qui sont pas forcément des sons hip-hop ou trip-hop, mais ça le devient. Il y a un nombre très important de musique de Yamaoka qui pourrait être des instrus pour Wu-Tang Clan, hein, ça marcherait parfaitement, quoi. Ce mélange très, très diversifié, finalement, c'est aussi ça qui fait la qualité de l'ensemble de ces musiques. Alors là, je parle d'une façon générale. Ouais. Et plus précisément sur cette OST, moi j'aurais juste un petit commentaire à faire, c'est que les morceaux chantés, tu l'as souligné, ils sont très chouettes, bien sûr, mais c'est aussi un peu des respirations dans cet album. Ce que tu as souligné, c'est vraiment très vrai quand on écoute l'album, hein, c'est très pertinent, si je peux me permettre. C'est-à-dire que c'est un album qui est vraiment oppressant à l'écoute aussi. Et les morceaux chantés, c'est un peu des bouées d'oxygène, parce qu'on n'est pas bien quand on écoute cet album. Si on l'écoute d'une traite, il y a beaucoup de morceaux qui nous mettent mal à l'aise, mais ce qui montre que c'est très bien fait. Et pourtant, elles sont très mélancoliques, hein, les oui. musiques chantées là, elles sont vraiment très très mélancoliques et pas apaisantes, mais c'est vrai que, comme tu le soulignes, le fait d'arriver dans des trucs un petit peu plus légers dans les sonorités, c'est vrai que ça fait du bien, mais les musiques sont très mélancoliques. Donc, un album très intéressant, là, c'est une vraie démarche d'artiste. Sur The Room, le jeu est aussi une démarche d'artiste, donc la combinaison des deux fonctionne à la perfection, quoi. On va continuer d'avancer dans la chronologie des Silent Hill pour maintenant parler du dernier épisode sorti. Dans cet ultime épisode, on va prendre le contrôle de Murphy Pendleton, tôlard suite au vol d'une voiture de police alors qu'il est transféré dans une nouvelle prison. En chemin, le classique de la série, avec un accident dont il sortira bien sûr indemne et libre. Avant cela, nous aurons été témoins de ce qui est sans aucun doute la raison de son transfert, dans une scène assez traumatisante pendant laquelle on verra Murphy qui va assassiner un détenu en prison. C'est tendu cette scène. Ah, elle est tendue. Ouais. Après l'accident aux alentours de Silent Hill et en partie dans la ville, Murphy va avant tout tenter de s'enfuir. Pourchassé par Anne, une fliquette qui elle aussi s'en est sortie vivante et qui va pas le lâcher mais d'une semelle, on peut dire qu'elle en veut. Bien entendu, l'étrangeté va s'inviter, même si cette fois ce sera sous la forme de passages plus identifiés que d'habitude dans la série, sans interaction forte avec le monde normal, il y a moins la mythologie habituelle, mais comme d'habitude, on va découvrir que l'histoire de notre héros est plus complexe qu'il ne semble et que les motivations des protagonistes ne sont pas forcément si simples. Thank you. Sorti discrètement alors que dans ma tête à moi, Silent Hill, bah c'était un titre fort. Mais oui. Et c'est un scandale. Je me rappelle, je travaillais encore dans un magasin de jeux vidéo et j'avais presque découvert quelques temps avant que Silent Hill allait enfin débarquer. Et là, j'en reçois quelques exemplaires par-ci par-là, ça se vend à peine. Et j'étais vraiment très très triste parce que Silent Hill Downpour, et bah moi je vais vous le dire comme ça de but en blanc, et bah c'est chouette. Ouais. Franchement, Silent Hill Downpour, c'est très bien. Et moi, ce qui m'a marqué dans Silent Hill Downpour, c'est vraiment la mélancolie qui se dégage de ce jeu. C'est-à-dire... Une thématique. Ouais. On est sur un épisode qui a une thématique, une ambiance sur laquelle on appuie. Alors là, j'ai oublié malheureusement de regarder qui avait développé le jeu. Je crois que c'est Vatra Games. Qui a fermé après, juste après. Sur Silent Hill. Hein. Parce que Konami ne les a pas payés. Ah. Ah, ils sont sympas chez Konami. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont cool. Et donc voilà, Silent Hill Downpour, donc bah du coup la mélancolie qui se dégage peut être liée au développement. Ouais, peut-être. Malheureusement. Mais il y a plein de bonnes idées dans ce Silent Hill. Déjà, il y a je trouve que de mettre de la pluie constante sur la ville, bah c'est vraiment très bien. Et ça donne un côté justement pesant au niveau de l'ambiance et sans aller dans la rouille, le gore, la violence qu'on pouvait avoir dans les anciens Silent Hill. Et là, c'est un parti pris qui est quand même assez osé aussi parce que c'est un gros changement justement par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir avant. Et ce qui est très étonnant aussi, c'est que c'est une des premières fois où la ville vit vraiment entre guillemets. C'est-à-dire que là, on a comme des âmes, en fait, qui habitent Silent Hill et avec lesquelles on peut interagir. Alors, je crois que c'est ce que tu as essayé de décrire un petit peu dans ton introduction. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller dans certaines maisons et on va pouvoir aller toquer à une porte où il y a des gens qui vont nous interpeller aux fenêtres et on va pouvoir faire des missions secondaires, ce qui est une première hein, dans Silent Hill. Et elles sont bien. Et elles sont bien et surtout, elles sont bien écrites et elles donnent une âme au jeu et apporte vraiment quelque chose dans l'ambiance et le fait de voir qu'il y a des gens qui sont encore là, c'est comme des âmes en peine qui errent un petit peu dans Silent Hill, bah ça rajoute au côté triste de cet épisode. On n'a pas tout mentionné dans le résumé parce que j'espère vraiment que du coup suite à cette écoute, si vous n'avez pas fait ce jeu, il faut le faire. Pour moi, ça vaut la peine. Donc on n'a pas tout défloré, mais derrière il y a quand même une thématique très lourde hein, sur. Ouais. C'est un jeu qui parle de vengeance. Mais qui va aussi franchement quoi sur la nature des crimes qui sont évoqués ce qui est pas si courant non plus finalement. Ouais, puis il y a plein de belles scènes hein, qui permettent de matérialiser tout ça, il y a la scène du train fantôme qui est qui est un peu j'ai pas envie de dire facile parce que c'est pas le cas, mais ça m'avait rappelé le film Le Machiniste avec Christian Bale, je sais pas si tu l'as vu. Oui. Et en fait, c'est la même représentation. Alors, je pense qu'ils ont dû être influencés un petit peu par ce film-là. Ouais, c'est très possible. Parce que, voilà, ce qui se passe dans la scène du train fantôme, c'est vraiment, il y a plein de révélations, c'est très bien fait, c'est vraiment bien foutu, c'est très beau en plus. Et il y a aussi la scène du théâtre qui est... Voilà, celle-ci, moi, m'a beaucoup marqué, ouais, la qui est scène vraiment du magnifique. Théâtre. Je trouve qu'elle est très très réussie. Alors, quand on met tout ça bout à bout, bah, ça fait un jeu finalement qui, vous avez compris, qui nous a vraiment bien plu. Moi, j'en avais rédigé le test pour Xboxygène à sa sortie. Moi, je suis comme toi. Pour moi, c'était un gros truc, Silent Hill qui sortait. Donc, j'étais vraiment impatient. Et alors, on peut toujours trouver à redire sur certaines choses. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui n'étaient pas formidables. Le basculement dans l'autre monde n'était pas toujours bien géré. Il y avait quelques longueurs par moment. C'est vrai tout ça, mais c'est pas parce que c'est une autre équipe, c'est un autre regard qu'il faut cracher dans la soupe. Ce qui a été proposé, il y a aussi de très grosses qualités. Ouais. Et je pense que c'est des gens qui ont fait ça très intelligemment parce que finalement, ils ont marqué une différence très nette avec le matériau de base, tout en le respectant. C'est un Silent Hill. Ah, ils se sont réappropriés les codes. Voilà, c'est ça. C'est un vrai Silent Hill. Même si c'est différent, c'est un vrai Silent Hill. Et quelque part, quand j'ai terminé moi de jouer à Downpour, j'ai eu la sensation qu'on était avec une démarche qui était très intelligente. Et qu'est-ce que je regrette que Konami n'ait pas soutenu cette démarche. Il y avait peut-être quelque chose à trouver, à confier Silent Hill à différents studios qui allaient apporter une vision de cet univers. Avec Downpour, en tout cas, pour moi, ça a été une vraie réussite. Quoi. Prendre la suite du jeu, c'est une chose. Prendre la suite de la musique, c'en est une autre. Bien sûr, prendre le relais de Yamaoka, eh ben, on peut dire que c'était à peu près mission impossible. Comment réussir à faire une partition du même niveau que le maître? Ben, compliqué. Alors, Daniel Leitch, il a pris un autre parti. Il a décidé juste de respecter le matériau de base, mais finalement, ben, il a fait son truc à lui. Et c'était sans doute ce qu'il y avait de mieux à faire pour accompagner cet épisode de Silent Hill. Daniel Leitch, qui est principalement connu pour la musique de Dexter, qui a travaillé ensuite sur Dishonored, et qui malheureusement nous a quitté l'année dernière. Alors peut-être que lui non plus n'a pas survécu à la disparition de Silent Hill. Alors j'étais assez triste quand j'ai appris la mort de Daniel Leitch, parce que justement j'ai repensé à Downpour et qu'il avait quand même fait du bon boulot, parce que moi je suis un peu moins fan de Dexter, même si je trouve que le générique est plutôt sympa, mais en tout cas ouais, ce qu'il avait apporté à la saga était plutôt intéressant, et même sur Dishonored il avait fait plutôt du bon boulot. Pour moi c'est vraiment du bon travail, hein. Plutôt que de singer le patron, bah, autant reprendre les codes de la série et faire son truc, quoi. Et ça donne finalement un album que moi j'aime beaucoup. Sur la musique de ce Downpour, alors il faut se sortir de la tête qu'on est sur... faut pas attendre du Yamaoka, c'est pas ça. C'est plus classique d'une certaine façon, c'est plus mélodieux, mais il a réussi quand même à rechoper les codes de Silent Hill, donc c'est autre chose, mais ça marche très bien, et j'ai presque envie d'avoir la même réflexion que j'ai eue pour le studio. Une fois Yamaoka parti, je dois dire que j'aurais été curieux de voir comment d'autres compositeurs se seraient débrouillés pour manier les codes de Silent Hill. Je suis sûr que ça aurait été passionnant. Mais tu sais que j'ai été rassuré, moi, dès le générique de début. C'est-à-dire que je trouve que d'ailleurs le générique au début est très très bon, parce que c'est le moment où il y a le transfert qui se fait avec le prisonnier, et on le suit comme ça avec la musique qui s'installe et tout. Et on a quand même les petits, alors là je connais pas l'instrument, mais tu sais, les petits comme ça, c'est très nul. C'est très très nul. Tu l'as très bien fait. Mais on retrouve quand même quelques sonorités, et ça qui est intelligent avec ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris quelques sonorités qui sont vraiment du coup identifiables dans l'univers de Silent Hill. Bah, mais ça crée une filiation. Voilà, c'est ça. Et il a fait sa propre bande originale, et vraiment dès ce moment-là, j'ai su que voilà, ça allait fonctionner, et j'étais déjà vraiment à fond dans le jeu, donc c'était plutôt bon signe. Mais dis-moi, Creeper, s'il nous reste encore un jeu à couvrir. Mais bien sûr, ça serait-il pas le chef-d'œuvre de la saga ? Ben, j'ai bien l'impression. Allez, on y va, c'est parti pour Silent Hill 2. In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. C'est avec ces mots que débute la mystérieuse lettre que vient de recevoir James Sunderland. Elle est signée de sa femme Marie, morte depuis 3 ans. Comment est-ce possible? Pour en avoir le cœur net, il va se rendre à Silent Hill, où il fera de nombreuses rencontres, comme un troublant sosie de sa femme. Il va traverser la ville pour connaître la vérité. Pourquoi Silent Hill 2 est notre Silent Hill préféré? Pourquoi est-ce un chef-d'œuvre? En tout cas, c'est pas à cause de son gameplay bien raide, ni de son level design qui favorise les allers-retours et les portes fermées. Voilà, j'ai dit ce qui était moins bien, j'en parlerai plus. Parce que pour tout le reste, c'est juste une perle. Creepers l'a dit dans son résumé, dès le départ, mais quel pitch, recevoir une lettre de sa femme morte il y a 3 ans. C'est bon, c'est presque gagné. Tout dans ce jeu respire la perfection, une écriture ciselée, des angles de caméra qui veulent dire quelque chose, c'est-à-dire tout ce qu'on aime dans le cinéma, un itinéraire qui est calibré. La première fois qu'on prend le contrôle de notre héros dans des chiottes dégueulasses, tu sais, ça décrit presque le jeu. Non mais le début du jeu est fabuleux, il faut quand même être clair, c'est-à-dire que le début du jeu... est fabuleux, il faut quand même être clair, c'est-à-dire que le début du jeu est fabuleux. Alors, pourquoi c'est fabuleux, c'est pas si facile que ça à expliquer. Ah si, c'est facile. De toute façon, on va le faire. Hein. on parlait de la qualité d'écriture de Silent Hill 2, quand on parle de qualité d'écriture, on parle pas de dialogue nécessairement, même si ils sont très très bons. Mais on est dans une écriture vidéoludique. Ouais, c'est de la vraie mise en scène. Voilà, mais qui utilise vraiment le média jeu vidéo. C'est pas que cinéma, c'est pas une cinématique, Silent Hill 2. Le visuel est important, le son bien entendu, mais vous avez compris depuis le début du podcast que les deux étaient totalement liés. Les fameux axes de caméra dont on avait parlé pour Silent Hill 1, là on a une maîtrise qui est encore montée de plusieurs crans. Et on va additionner tout ça pour que le joueur soit au milieu de tout ça, soit acteur de ce qui est en train de se passer, et surtout pour que le joueur finalement rentre dans la tête de son personnage et ressente. Et c'est peut-être là où se trouve la force de Silent Hill 2, c'est que c'est un de ces jeux qui donnent des émotions aux joueurs. Et dans le cas présent, sur des thématiques encore, bah, pas facile. Ah non, c'est... Moi j'étais dévasté, oui, je pensais à la fin du jeu. C'est dur, oui. Super dur. Le jeu m'a hanté, alors c'est vraiment un des rares jeux. Des fois on le dit comme ça pour faire genre, mais j'y ai pensé, mais largement après avoir terminé le jeu. C'est-à-dire que ce qu'on découvre à la fin de Silent Hill 2, c'est juste bouleversant. La lettre, justement, que le personnage reçoit, c'est quand elle est lue d'un trait, c'est bouleversant. Quand tu ça parle de deuil, ça parle d'affronter la maladie, là ça parle d'oublier les gens, ça parle de culpabilité énormément, voilà, ça parle d'énormément de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le jeu vidéo, et tout est dans la première image de James dans le miroir dès le début. Paf, exactement, t'as tout, c'est en ça, en un plan. Et c'est des choses qui sont, et ça c'est vrai parce qu'on l'a vu au fur et à mesure de l'émission, qui sont quand même un petit peu perdues. Tout ce qui était représentation, symbole, les choses un petit peu plus subtiles, c'est vraiment un jeu où il y a un équilibre parfait sur tout ça, où on sent vraiment qu'ils sont au taquet, c'est-à-dire que tout est dans Silent Hill 2. Et Pyramid Head, les problèmes, justement, l'affrontement mental des personnages, les combats psychologiques, il y a beaucoup plus de pression psychologique dans Silent Hill 2. Et quand je disais que le début était parfait, c'est-à-dire qu'on a donc le début où on voit James qui se regarde dans le miroir, on a le moment où il sort des toilettes, où on est dehors et on est obligé de descendre, de descendre. Ça dure très longtemps. De descendre dans le brouillard, voilà, on ne voit pas où on va, on distingue à peine. Il y a une espèce de découverte de la ville qui est remarquable. Je pense aussi que, alors Silent Hill 2 est un épisode détaché de la mythologie. Hein. Oui. Pour le coup, et je pense que c'est peut-être une des meilleures idées de surtout pas parler de la mythologie, parce que finalement, à travers cette représentation du début du jeu, on comprend inconsciemment que c'est le personnage principal, le personnage qu'on joue, donc c'est nous qui créons l'environnement de Silent Hill. Alors c'est dit qu'une seule fois de façon littérale dans le jeu avec Pyramid Head, mais tous ces monstres, tout ce monde complètement barré, tous ces personnages avec des réactions étranges, tout ça, ça vient de nous. Et je suis comme toi, c'est-à-dire que quand j'ai terminé le jeu, après j'ai repensé à des choses et on se dit mais c'est quand même foutrement malin. Ouais. Parce que on a cette espèce de, c'est cohérent en fait. Voilà, on a quelque chose qui est cohérent et qui se paye le luxe de ne pas être dans l'explication littérale. Ah non, parce que tu peux parfaitement interpréter des choses. À la fin de la première fois que j'ai terminé le jeu, franchement, je pense que j'avais pas tout compris. Non, bon, clairement pas. Pour moi, c'était pas clair. J'étais beaucoup plus jeune que toi, en plus, à l'époque. du coup, ça crée aussi un intérêt à refaire Silent Hill 2. Une fois qu'on sait un peu où on va aller, on est de fait plus attentif à l'environnement, plus attentif à ce qu'on nous raconte. C'est un peu comme quand on regarde un film pour la deuxième fois, on n'est pas attentif aux mêmes choses, et ça permet d'apprécier d'autant plus la finesse de ce superbe chef-d'œuvre. Ça s'entend un petit peu, hein, que c'est un jeu de l'amour. Mais en fait, ce qui est fou, et même en parlant comme ça, t'as tellement, en fait, tout, là où tu vois que tout est pensé et parfait, il y a tellement de moments où la mise en scène est folle. C'est-à-dire que la première rencontre avec le premier monstre, elle est juste complètement dingue. C'est-à-dire que t'avances dans le brouillard, tu vois, t'entends un bruit, et là, tu vas avancer, le mec va se pencher dans un truc pour entrer dans un espèce de tunnel, et tu te retrouves devant les premiers monstres, mais tu vois, t'as peur, tu sens la peur directement. Et on te matérialise la peur, on te matérialise l'univers, on te l'explique, enfin, on te l'explique pas, mais on va dire, tu arrives, on te l'installe, on te le pose. Et tu as plein d'éléments comme ça. La première rencontre avec Pyramid Head, elle est complètement folle. La scène d'orgie, tu te retrouves là-dedans, planqué dans un placard, et tu te retrouves à avoir une espèce d'orgie morbide entre Pyramid Head et des monstres de Silent Hill. Enfin, il y a rien qui nous est épargné. Et en même temps, t'as une profondeur dans l'écriture, dans les personnages que tu croises, qui sont anéantis par la vie. T'as un personnage qui a été violé dans sa jeunesse, t'as un autre qui a voulu se venger d'un bourreau qui arrêtait pas de le frapper. Enfin voilà, on est vraiment dans un univers qui est complètement torturé, et qui est fou, et qui est d'une complexité au niveau de... Il y a personne ni blanc ni noir, c'est-à-dire que même le personnage principal, il est complètement ravagé par ce qui lui est arrivé, et on va pas déflorer si un jour vous allez faire Silent Hill, ça serait quand même dommage. Mais quand on découvre un peu tout ce qui s'est passé, C'est un mec qui est ravagé par la culpabilité, c'est complètement fou, et c'est matérialisé dans la ville de Silent Hill, et c'est vraiment une idée de génie, et c'est maîtrisé d'un bout à l'autre. Bon bah écoutez, je crois que c'est clair, hein. Ouais, mais c'est vraiment un jeu merveilleux, et en plus, on l'a même pas dit, mais à l'époque c'était une claque, hein. C'était visuellement, ouais. C'était super beau, on passait d'un Silent Hill qui tâtonnait, qui avait utilisé le brouillard pour pallier justement comme, au problème comme technique. Cache-misère à l'origine, et on est passé à un élément narratif, et là ils se permettent le brouillard de mettre un filtre dégueulasse qui marche super bien, et il y a un grain d'image, et on est dans un vrai chef-d'œuvre, et j'avais rarement vu ça au niveau écriture dans un autre jeu. Et c'est vrai que Konami à l'époque était au top, ils avaient offert ça, Metal Gear Solid 2 aussi à l'époque. Alors toi t'aimes moins, mais je veux dire qu'il y a quand même un jeu où il y avait un vrai travail de mise en scène et d'écriture, il y avait des vrais auteurs en fait derrière tout ça. Et c'est vraiment un putain de jeu quoi. C'est faites Silent Hill 2, c'est une obligation. Il faut faire Silent Hill 2 si on aime le jeu vidéo. Alors c'est un petit peu prétentieux de dire ça, hein, mais je trouve que Silent Hill 2 est une œuvre à découvrir absolument. Je pense que c'est d'autant plus important. Alors désolé, on fait un petit peu long, mais c'est un jeu important, Silent Hill 2. Bah oui, je pense que c'est d'autant plus important de le faire que alors, il faut certes passer outre un gameplay un petit peu daté dans les contrôles, mais ce dont on est en train de parler au niveau de l'écriture du jeu, malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas devenu une norme. Ah non. C'est-à-dire qu'on est sur un jeu qui date de 2001. 2001, c'était il y a 17 ans. Il y a une éternité. Et malheureusement, les exemples de jeux aussi ambitieux dans leur écriture, on n'en trouve pas beaucoup. Et tu sais que c'est rare, j'aimerais un remake. J'aimerais un remake, mais vraiment juste pour rendre juste le jeu plus beau. Un peu comme ils ont fait avec Shadow of the Colossus. Moi, je dirais surtout plus jouable, à vrai dire. Ouais. C'est ça. La dernière fois que j'ai voulu relancer Silent Hill 2, c'est ce point-là qui m'a semblé le plus discutable. C'est le contrôle du personnage. Ouais, qui a vieilli. Mais ça vaut vraiment le coup de passer outre. Voilà, parce que finalement, dans son thème, dans son écriture, ça reste plus qu'actuel, puisque ça continue d'être mais tellement en avance sur le tout venant de la production. À la fois c'est une date dans l'écriture des jeux vidéo, et à la fois c'est pas une date parce que ça n'a pas provoqué un électrochoc comme ça aurait dû, comme on aurait aimé que ce le soit. Tant pis, hein, mais au moins il existe, alors au moins faut en profiter quoi. Alors vous avez compris qu'on adorait le jeu. Est-ce qu'on aime tout autant son OST ? Creepers va nous répondre après le morceau qui arrive. Thank you. À mes yeux, la musique de Silent Hill 2 est la plus torturée de tous les Silent Hill. En fait, la musique, un peu comme ce qu'avait fait Yamaoka dans les meilleures, on va dire, compositions, bah, s'adapte parfaitement aux thématiques que le jeu essaye de retranscrire. Et bah, là, c'est l'ambivalence. C'est des personnages qui ont beaucoup de contrastes dans leur personnalité. Entre James, qu'on apprend un petit peu pas aussi parfait au fur et à mesure du jeu, le Pyramidhead, Marie aussi, qui a son double dans le jeu. Donc on voit que chaque individu a des choses à cacher, et du coup, on a des morceaux qui vont être extrêmement violents, extrêmement percutant. Donc au niveau, on disait un petit peu les influences industrielles, là il y a des morceaux qui sont vraiment très brutales dans la bande originale, et on a des passages un petit peu plus mélancoliques, et c'est pour moi une perle, une perfection qui est moins facile à écouter, mais qui est tellement adaptée au jeu que forcément pour moi c'est une grande bande originale que celle de Silent Hill 2 en fait. Je te rejoins sur tous les points. Tout à l'heure on évoquait éventuellement la bande originale de Silent Hill 3 pour commencer, entre guillemets. Et je crois que t'as mis le doigt dessus, c'est que cette bande originale, je pense qu'elle est vraiment très bonne, mais c'est pas forcément la plus abordable en première intention. Peut-être qu'il faut d'abord en écouter, venant d'autres jeux, Silent Hill 3 Homecoming, avant de s'attaquer à Silent Hill 2. Mais ça vaut le coup d'éduquer son oreille au son Silent Hill, si je peux dire, parce que avec le temps et au gré des écoutes, finalement cette OST de Silent Hill 2, je me demande si c'est pas ma préférée. De toute façon, elle nous aura marqué à vie, je pense. Enfin, clairement, ça fait partie. Puis la musique qui va conclure le podcast est juste merveilleuse. C'est une musique absolument magnifique et qui, encore une fois, arrive à... Il y a de la mélancolie dans le thème of Laura qui va conclure l'émission. Et c'est en plus une musique qui a été écrite en 3 jours par Yamaoka. Et moi, je l'écoute régulièrement, hein, ça fait partie de mes musiques préférées de jeux vidéo. Et c'est là où je me suis rendu compte quand même de la puissance de ce jeu. Et à quel point il est merveilleux. Et c'est vrai que Yamaoka, avec ce thème-là, il a écrit un des plus beaux morceaux, je trouve, de l'histoire du jeu vidéo. Pour ça, ça valait le coup de faire cette émission. Et puis voilà, quoi, il n'y a pas grand chose à rajouter, si ce n'est que voilà, ça. Est-ce que tu veux qu'on conclue sur Silent Hill en disant juste que c'est certes une saga qui est en dents de scie, mais qui mérite tellement d'être découverte encore maintenant? Je pense que oui, parce que c'est aussi peut-être ce qu'on va retenir de cette émission. Alors évidemment, nous on est un petit peu fans, hein. Faut l'avouer. Mais cela étant, cette série a peut-être une plus mauvaise réputation qu'elle ne mérite. C'est-à-dire que certes, il y a des épisodes qui sont moins bons, certes, il y a des exploitations de la marque qui sont très hasardeuses, qui n'auraient pas dû être faites. Moi, c'est l'impression que j'avais, hein. Franchement, j'avais l'impression que peut-être qu'il y avait peut-être même plus de mauvais que de bons, et en préparant l'émission, je me dis, non, c'est pas vrai. En fait, on a quand même beaucoup de qualité dans ce qui est sorti, et de toute façon, le fait que ce soit une ambiance très caractérisée et qui ait ce côté unique dans cette série justifie qu'on s'y intéresse. En tout cas, Silent Hill a enfin eu son émission. Franchement, une belle émission. J'en suis pas peu fier. Il méritait. Ça fait un moment que Rhône me chahute. Allez, il faut qu'on la fasse, la version, la musique. Il faut qu'on la fasse, l'émission Silent Hill. Il faut qu'on y aille. Et je dis là, j'ai baissé les armes. J'ai dit, t'as raison. Il faut qu'on se lance là-dedans, parce qu'à chaque fois, on hésite à en mettre dans chaque émission. Donc c'était un petit peu chiant. Ouais. Donc allez, là, on a quand même balancé la sauce. L'émission est longue. On espère que ça vous a plu, parce qu'on a adoré la préparer et on l'a préparé. Vous l'avez ouais. vu. Alors on a été bavard. On a beaucoup de choses à dire, mais c'est des jeux qui ont énormément à donner aussi et qui sont très très compliqués aussi à appréhender. Donc c'est un peu notre vision, hein, on va dire, de Silent Hill, et on espère que vous avez apprécié ce qu'on vous a proposé. En tout cas, les musiques, je pense que rien que pour ça valait le coup d'écouter cette émission, parce que ce qu'on vous a proposé était vraiment varié, intéressant, et propose vraiment une grosse palette de ce qu'avait à proposer Yamaoka et les autres compositeurs sur cette série là et on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'écoute, et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission. Rhône, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ? Jouez à Silent Hill 2 si vous ne l'avez pas fait. Voilà. Voilà une belle conclusion. Et n'hésitez pas, on le dit jamais assez, je crois, sur cette émission, mais à partager si vous appréciez. Voilà, c'est une émission qui nous tient à cœur parce qu'on essaie de partager pas mal de choses. On aime le jeu vidéo et on aime la musique et ça nous permet de parler des deux en même temps. Et on remercie vraiment toutes les personnes qui partagent régulièrement, notamment Mikado Twix, hein, qui m'a encore envoyé beaucoup d'amour avant l'enregistrement de cette émission-là. Donc n'hésitez pas à partager tout ça et à faire connaître les émissions si elles vous plaisent, à nous noter aussi sur iTunes, ce qui nous permet de remonter un petit peu dans les classements et d'être découvert par d'autres personnes. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine émission et on vous laisse avec une musique merveilleuse dans les oreilles. À bientôt les amis. Salut.